toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Créhistoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la deuxième partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui du fantastique onirique de la Seconde Guerre mondiale, de monstres et de mutants de l'ère atomique, du renouveau du fantastique au Royaume-Uni et d'autres thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Et ceci sera la troisième partie. Commençons tout de suite par parler du fantastique onirique de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéma fantastique, durant la Seconde Guerre mondiale, va délaisser les films de monstres pour s'orienter vers des histoires d'angoisse et d'onirisme. L'onirisme étant l'activité mentale pathologique caractérisée par des visions et des hallucinations. Ceci se passe à Hollywood mais aussi en Europe. Les thèmes tournent notamment autour des fantômes, du diable et des adaptations des contes de fées. Le contexte de l'époque explique le choix de ces thèmes, le public voulant s'évader, à travers ces films, de la réalité traumatisante de la guerre. Le scénariste américain Val Lewton va alors produire pour la RKO des films marqués par des atmosphères d'angoisse s'opposant à l'esthétique plus démonstrative des films de la Universal. Il fait appel aux réalisateurs Jacques Tourneur et Robert Wise qui vont réaliser plusieurs films comme La Féline sorti en 1942 ou encore La Malédiction des Hommes-Chats sorti en 1944. Ces films privilégient plutôt les effets suggestifs de peur plutôt que de la montrer directement. Un autre auteur, Albert Levin, adapte en 1944 un classique de la littérature fantastique intitulé Le portrait de Dorian Gray, dont les effets spéciaux du film, lui étant en noir et blanc, reposent sur la décomposition du portrait filmé en couleur qui montre la corruption de l'âme de Dorian Gray. En Europe, les réalisateurs français et danois sont les principaux représentants de cet onirisme fantastique. Le diable devient l'un des personnages récurrents. Avec Dies Irae, 10 ans après son précédent film intitulé Vampire, Carl Theodor Dreyer revenait à la réalisation avec une œuvre traitant de la sorcellerie et du satanisme. En France se développe un important mouvement du fantastique hérité du réalisme poétique de l'avant-guerre avec notamment Maurice Tourneur qui réalise La Main du Diable, Marcel Carnet qui réalise Les Visiteurs du Soir, ou encore Jean Delannoy et Jean Cocteau qui réalisent un film intitulé L'Éternel Retour en pleine occupation de la France. Jean Cocteau réalise à l'après-guerre en 1946 l'un des classiques du film onirique que nous connaissons encore aujourd'hui, La Belle et la Bête, que nous retenons à l'époque grâce à ses effets spéciaux, dont le maquillage de la bête incarné par Jean Marais. La période de l'après-guerre voit aussi la production de plusieurs romances fantastiques sur des thèmes légendaires ou fantomatiques. Passons maintenant à la deuxième partie de cette chronique. Cette deuxième partie sera consacrée aux monstres et mutants de l'ère atomique. C'est dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, et le début de la guerre froide, que les monstres font leur grand retour dans le cinéma fantastique entre 1950 et 1959. Des monstres d'un type nouveau font leur apparition dans un cinéma américain orienté vers l'anticipation et qui voit l'essor du cinéma de science-fiction. Ils sont les résultats de mutations atomiques ou d'expériences scientifiques, ainsi que des extraterrestres de différentes formes. L'un des premiers du genre fut le film réalisé par Eugène Lourier intitulé « Le monstre des temps perdus », sorti en 1953, dont les effets spéciaux image par image étaient réalisés par Ray Harryhausen, concepteur d'effets spéciaux décédé en 2013. Un des réalisateurs les plus représentatifs de cette période est Jack Arnold, dont les films mettent en scène des créatures mutantes avec l'étrange créature du lac noir, sorti en 1954, qui mettait en scène une créature amphibie préhistorique, avec Tarantula, sorti en 1955, qui mettait en scène une tarantule devenue géante, des suites des expériences d'un savant fou. En 1957, il réalise L'homme qui rétrécit, d'après une histoire de Richard Matheson, considéré comme son chef-d'œuvre. Dans un registre poétique, La machine à explorer le temps, adaptation du roman du même nom, par George Pal, montre le héros lors de sa traversée dans le futur, aux prises avec les Morlocks. Je vous laisse regarder ce que sont les Morlocks. Le Japon, pays bombardé par la bombe atomique, va développer tout un cinéma de faune post-atomique, produit par la Toho, qui est l'une des plus grandes maisons de production et du cinéma japonais. Ichiro Honda, décédé en 1993, est le principal représentant de ces films de kaiju, terme désignant des créatures étranges comme des monstres géants. Il réalise Rodan en 1956, mettant en scène des larves de libellules préhistoriques géantes. Mothra en 1961, mettant en scène des fées et une déesse. Mothra qui ressemble à un papillon géant sous sa forme adulte et à une chenille géante sous sa forme juvénile. Et le plus célèbre film du genre, Godzilla, sorti en 1954, mettant en scène un dinosaure géant. Passons maintenant au renouveau du fantastique au Royaume-Uni. Alors que le film fantastique est délaissé aux États-Unis au profit de la science-fiction, c'est au Royaume-Uni que le genre retrouve une nouvelle jeunesse à partir du milieu des années 50. Un film en particulier fait figure de précurseur. Ce film s'intitule « Au cœur de la nuit », qui est un film à sketch réalisé en 1945. En 1955, la Hammer Film Productions se lance dans la production de films fantastiques avec « Le monstre » de Val Guest, sorti en 1955, qui est à la fois un film d'horreur et de science-fiction. Ensuite arrive toute une série de films qui renouvellent les thèmes classiques qui avaient fait le succès de la Universal. Terence Fisher inaugure le genre en 1957 avec Frankenstein s'est échappé, avec Christopher Lee dans le rôle de la créature et Peter Cushing dans le rôle du baron Victor Frankenstein. Le nom de Christopher Lee ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement déjà vu dans plusieurs films Star Wars, dans le rôle du comte Dooku ou encore dans le rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. La Hammer inaugure le style du fantastique gothique, marqué par le réalisme des scènes d'horreur et l'introduction de l'érotisme. Là où Universal était contraint d'adoucir à cause du code de censure EYES. À la suite du succès du film, Le Cauchemar de Dracula, la Hammer va exploiter le filon en mettant en scène tous les classiques du fantastique. À part Dracula et Frankenstein, suivent Le Loup-Garou de La Nuit du Loup-Garou, sorti en 1961, La Momie de la Malédiction des Pharaons, sorti en 1959, Le Fantôme dans Le Fantôme de l'Opéra, sorti en 1962, et Les Deux Visages de Mr. Jekyll, sorti en 1960. Dans un autre registre, la Hammer produit également plusieurs films à thème préhistorique et de créatures fantastiques. Lancé par le succès de La Déesse de Feu, sorti en 1965, et surtout Un Million d'Années Avant Jésus-Christ, sorti en 1966, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, notoire aussi, pour Jason et les Argonautes, sorti en 1963, et la série des Sinbad le Marin. Intéressons-nous désormais à la dernière partie de cette chronique d'aujourd'hui, l'apogée du gothique. À la suite du succès des films de la Hammer, l'esthétique gothique domine dans le cinéma fantastique des années 1960. Aux États-Unis, ce genre s'impose avec les films à petit budget de Roger Corman, qui adapte avec succès les œuvres d'Edgar Poe et de Howard Lovecraft, en collaboration avec Richard Matheson et Charles Beaumont, qui étaient les scénaristes réguliers de la série alors en vogue à la télévision américaine intitulée « La quatrième dimension », diffusée entre 1959 et 1964, et avec comme acteur de prédilection Vincent Price pour les films « La chute de la maison Usher » sorti en 1960, « L'Empire de la Terreur » sorti en 1962, « Le Corbeau » sorti en 1963, et Le Masque de la Mort Rouge, sorti en 1964. Ces films étaient inspirés des théories freudiennes de Marie Bonaparte, qui interprétait les contes de Poe en tant que rêve. Corman insiste sur des atmosphères oppressantes, et à la différence de la Hammer, avec peu d'effets horrifiques. Les grands studios vont aussi aborder cette esthétique avec La Maison du Diable, sorti en 1963 de Robert Wise, film de fantôme dont l'épouvante repose sur des effets sonores. Un autre film de fantômes reposant sur une esthétique gothique et des effets suggestifs est le film intitulé Les Innocents de Jack Clayton d'après Henry James, sorti en 1961. Roman Polanski fait référence au film de la Hammer et de Corman avec son Bal des Vampires, sorti en 1968. En France, le film Les Yeux sans Visage, sorti en 1960, participe aussi de cette tendance gothique du fantastique. En Italie, Riccardo Freda réalise en 1956 le film Les Vampires, film qui introduit le genre. Son chef opérateur de ce film, Mario Bava, passe à la réalisation et devient le principal représentant du gothique avec son film Le Masque du Démon, qui révéla l'actrice Barbara Steele comme figure emblématique du fantastique italien, inspiré de l'esthétique de la Hammer. Bava, par sa maîtrise des éclairages, signe avec ce film en noir et blanc l'un des classiques du cinéma gothique. Il poursuit notamment avec un autre film à l'ambiance plus surréaliste, intitulé Le Corps et le Fouet, sorti en 1963 avec Christopher Lee, et achève son cycle gothique avec La Planète des Vampires, sorti en 1965, et qui fut une source d'inspiration pour le film Alien, sorti en 1979. Le troisième représentant et le plus productif est Antonio Margheriti, surnommé le Roger Corman italien, et qui, comme ses confrères, prend un pseudonyme anglo-saxon comme nom d'artiste, en l'occurrence Anthony Dawson. Il réalise des films gothiques, La Sorcière Sanglante et Danse Macabre avec Barbara Steele, ainsi que des films où se combinent western et fantastique, comme dans Et le vent apporta la violence, sorti en 1970, ou Guerre fantastique avec La Vierge de Nuremberg à la fin des années 60. Le genre décline, la plupart des cinéastes se tournant vers le western spaghetti. En Espagne, le principal représentant du gothique est Jesús Franco, né le 12 mai 1930 à Madrid et mort le 2 avril 2013 à Malaga, avec les films L'horrible docteur Orloff, Les yeux verts du diable et Les nuits de Dracula. C'est ainsi que se termine cette troisième partie sur le cinéma fantastique. Dans la quatrième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons du réalisme fantastique des années 60-70, du gore au slasher qui est le renouvellement du mythe de l'horreur, de l'anticipation et post-apocalyptique, de la vogue de l'héroïque fantastique et, si le temps nous le permet, des blockbusters et des remakes. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Crève-Histoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.